Chapitre 8e, le bal de Loisy. Je suis entré au bal de Loisy à cette heure mélancolique et douce encore où les lumières pâlissent et tremblent aux approches du jour. Les tilleuls, assombris par en bas, prenaient à leur cime une teinte bleuâtre. La flûte champêtre ne luttait plus si vivement avec les trilles du rossignol. Tout le monde était pâle, et dans les groupes des garnis, j'eus peine à rencontrer des figures connues. Enfin, j'aperçus la grande Lise, une amie de Sylvie, elle m'embrassa. « Il y a longtemps qu'on ne t'a vu, Parisien, » dit-elle. « Oh oui, longtemps. » « Et tu arrives à cette heure-ci, par la poste. »« Et pas trop vite. »« Je voulais voir Sylvie. Est-elle encore au bal ?»« Elle ne sort qu'au matin. Elle aime tant à danser. » En un instant, j'étais à ses côtés. Sa figure était fatiguée. Cependant, son œil noir brillait toujours du sourire athénien d'autrefois. Un jeune homme se tenait près d'elle. Elle lui fit signe qu'elle renonçait à la contredanse suivante. Il se retira en saluant. Le jour commençait à se faire. Nous sortîmes du bal, nous tenant par la main. Les fleurs de la chevelure de Sylvie se penchaient dans ses cheveux dénoués. Le bouquet de son corsage s'effeuillait aussi sur les dentelles fripées, savant ouvrage de sa main. Je lui offris de l'accompagner chez elle. Il faisait grand jour, mais le temps était sombre. La Tève bruissait à notre gauche, laissant à ses coudes des remous d'eau stagnante où s'épanouissaient les nénuphars jaunes et blancs, où éclataient comme des pâquerettes la frêle broderie des étoiles d'eau. Les plaines étaient couvertes de javel et de meules de foin, dont l'odeur me portait à la tête sans m'enivrer, comme faisait autrefois la fraîche senteur des bois et des alliés d'épines fleuries. Nous n'eûmes pas l'idée de les traverser de nouveau. « Sylvie, lui dis-je, vous ne m'aimez plus. » Elle soupira. « Mon ami, me dit-elle, il faut se faire une raison. Les choses ne vont pas comme nous voulons dans la vie. Vous m'avez parlé autrefois de la nouvelle Héloïse. Je l'ai lue et j'ai frémi en tombant d'abord sur cette phrase. Toute jeune fille qui lira ce livre est perdue. Cependant, j'ai passé outre, me fiant sur ma raison. Vous souvenez-vous du jour où nous avons revêtu les habits de noces de la tante? Les gravures du livre présentaient aussi les amoureux sous de vieux costumes du temps passé, de sorte que pour moi vous étiez Saint-Preux, et je me retrouvais dans Julie. Ah, que n'êtes-vous revenu alors? Mais vous étiez, disait-on, en Italie. Vous en avez vu là-bas de bien plus jolies que moi. Aucune, Sylvie, qui est votre regard et les traits purs de votre visage. Vous êtes une nymphe antique, que vous ignorez. D'ailleurs, les bois de cette contrée sont aussi beaux que ceux de la campagne romaine. Il y a là-bas des masses de granit non moins sublimes, et une cascade qui tombe du haut des rochers comme celle de Terni. Je n'ai rien vu là-bas que je puisse regretter ici. « Et à Paris ? » dit-elle. « À Paris ?» Je secouai la tête sans répondre. Tout à coup, je pensais à l'image vaine qui m'avait égaré si longtemps. « Sylvie, dis-je, arrêtons-nous ici, le voulez-vous ? » Je me jetai à ses pieds. Je confessais en pleurant à chaudes larmes mes irrésolutions, mes caprices. J'évoquais le spectre funeste qui traversait ma vie. « Sauvez-moi, » ajoutai-je, « je reviens à vous pour toujours. » Elle tourna vers moi ses regards attendris. En ce moment, notre entretien fut interrompu par de violents éclats de rire. C'était le frère de Sylvie qui nous rejoignit avec cette bonne gaieté rustique, suite obligée d'une nuit de fête, que des rafraîchissements nombreux avaient développés outre mesure. Il appelait le galant du bal, perdu au loin dans les buissons d'épines, et qui ne tarda pas à nous rejoindre. Ce garçon n'était guère plus solide sur ses pieds que son compagnon. Il paraissait plus embarrassé encore de la présence d'un Parisien que de celle de Sylvie. Sa figure candide, sa déférence mêlée d'embarras, m'empêchaient de lui en vouloir d'avoir été le danseur pour lequel on est resté si tard à la fête. Je le jugeais peu dangereux. « Il faut rentrer à la maison, » dit Sylvie à son frère. « À tantôt, » me dit-elle en me tendant la joue. L'amoureux ne s'offensa pas.